Dans sa communication publiée le 13, le porte-parole du Conseil pour la réconciliation nationale a souligné que la bande conservatrice sud-coréenne ferait mieux de rester dans sa tombe au lieu de chercher à ressusciter, ce pour le pays et la nation, pour le développement et l'avenir sain de la société sud-coréenne. Il a rappelé que la bande conservatrice sud-coréenne est acculée dans le bourbier de l'histoire face à la condamnation sévère pour ses crimes à jamais impardonnables commis contre l'opinion publique et le courant de l'époque. Et d'ajouter. Lors des dernières élections présidentielles sud-coréennes, les conservateurs, notamment Hon Jun-pyo, ont fait du tapage autour d'un nouveau rassemblement et d'une grande union en vue de regrouper les pro-bakunis et d'usurper le pouvoir. Leur démarche a été vraiment une farce finale des aliénés déchets humains. Cela a évoqué des vipères qui, après avoir été évanouies au coup de bâton, relèvent leur tête à l'odeur du sang. Le pire, c'est que les conservateurs ont accusé de façon frénétique et scélérate notre République, sous prétexte de crise de sécurité et de liquidation des forces serviles au Nord. Ce qu'ils ont fait jusqu'à présent au pouvoir, c'est d'avoir transformé la Corée du Sud en empire de ténèbres et fascistes et en endroit de la vie et des droits de la population et empiré au maximum la confrontation fratricide avec la frénésie de guerre d'agression contre le Nord. C'est pourquoi les habitants sud-coréens ont déjà stigmatisé les conservateurs comme complices de la traîtresse bakounée démon de la Maison Bleue lors de son scandale politique ultra-géant et les ont condamnés à mort.